phase 1, regardez les photos ci-dessous et écoutez les textes qui leur correspondent. 1. Ah bonjour, bonjour. Excusez-moi, je suis un peu en retard, le travail. Vous savez ce que c'est. 2. Bonsoir la petite Mireille. Je suis content de te voir, ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les études ou l'amoureux? 3. Eh, hey, voilà notre jeune Américain. 4. Mais justement, j'irai aux États-Unis en septembre. Il faudra me donner des tuyaux. 5. Un doigt de Porto, s'il vous plaît. Un doigt comme ça ou un doigt comme ça? 6. Voyons, Robert, ici à ma droite, Mireille, tu te mets là. Phase 2. Écrivez la lettre qui identifie chaque texte que vous entendez sous la photo qui lui correspond le mieux. A. Eh, hey, voilà notre jeune Américain. B. Ah, bonjour, bonjour. Excusez-moi, je suis un peu en retard du travail. Vous savez ce que c'est. C. Justement, j'irai aux États-Unis en septembre. Il faudra me donner des tuyaux. D. Voyons, Robert, ici à ma droite, Mireille, tu te mets là. E. Un doigt de Porto, s'il vous plaît. Un doigt comme ça ou un doigt comme ça? F. Bonsoir la petite Mireille. Je suis content de te voir, ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les études ou l'amoureux?